Attention, les animateurs du podcast étant un peu lents, cet épisode a été coupé en deux comme Maul dans la menace fantôme. Ceci est la seconde et dernière partie. Merci de votre attention et bonne soirée, ou journée. Grâce à son ensemble de servomoteurs dédiés à la stabilité de la cargaison, le monorail 20T Conveyex Transport from Quiet Drive Yard peut transporter les cargaisons les plus dangereuses à travers tout l'Empire. Enfin, si c'est sur une planète, parce que c'est un train, donc ça vole pas. Ça vole pas. La protection de la cargaison est assurée par un système haute sécurité composé de clés quantiques avec signature cryptée. Aucune chance que votre marchandise tombe aux mains des bandits. Bye bye les voleurs. Enfin, sauf s'ils utilisent des explosifs. Ça, c'est pas couvert par l'assurance. Convoy X-Trangity, votre hyperfuel est en security. All aboard! La cargaison est assurée contre le vol, sauf en cas d'utilisation d'explosifs, de tirs de blaster, de destruction des rails ou de réquisition impériale. Toute explosion liée à une surchauffe de la cargaison ne sera pas prise en charge ou remboursée. C'est bon. Ouais, pardon. J'avais vu des gens, ouais. Non, moi, je repensais à Chewbacca, et je vais revenir sur un truc, on a... Je trouve qu'il y a une certaine évolution vis-à-vis de l'ancien canon, justement, dans la libération de Chewbacca et même dans le parcours derrière. À la base, on avait... Excusez-moi, je déglutis pour couper ça au montage. Je suis en train de manger du fromage. À la base, on avait Chewbacca qui était esclave de l'Empire et on avait Solo, pilote, mais pas encore en disgrâce, comme là c'est le cas... qui venait le libérer. Il y a vraiment ce côté tu me dois la vie. Enfin voilà, enfin même s'il est, je crois pas qu'il le formule comme ça, Chewbacca a sa dette de vie envers Solo et le suit partout ensuite derrière. Là, on a Solo qui est déjà dans la merde, qui est là pour se sauver sa vie à la base déjà lui-même et qui en même temps aide Chewbacca qui lui pourrait très bien se sauver tout seul en fait à s'échapper. Il a pas besoin de lui techniquement à part pour lui dire bah tape dans le pylône, ça va les faire bouger les mecs au-dessus. Il ne fait que l'aiguiller et derrière suite à ça, Chewbacca choisit de rester avec lui. Alors dans les bouquins derrière, après bon ça c'est l'univers étendu, il y a quand même une histoire de dette de vie machin, c'est pas forcément top, mais Chewbacca il est quand même plus là de son plein gré, il a plus envie de le suivre que vraiment se dire je lui dois la vie, je suis son serviteur éternel, machin, mes couilles. Il y a vraiment une dimension qui est plus intéressante de ce côté-là, je trouve également. Ouais, en fait, Chewbacca, il avait juste aucune raison de s'échapper parce que il avait tout perdu, Kashyyyk, ça a dû être ravagé, il avait nulle part où aller, il savait qu'il était piégé sur une planète et que s'il essayait de s'enfuir, il finirait buté. C'est pour ça qu'il restait là. Ouais. En fait, Han lui a donné une raison de s'enfuir. Oui. Il lui a donné un but. C'est ça, il l'a pas sauvé, mais il a donné une raison de sortir, quoi. Ouais. J'adore quand ils courent tous les deux dans un sens opposé. Quand ils s'envolent comme une petite merde. Et d'ailleurs, moi, je rigolais, mais à un moment, sur le Convoyex, tu sais, t'as Han Solo qui, pendant tout le début du film, il est en mode, vas-y, tu peux faire comme ça, Chewbacca, et puis tu fais comme ça, il essaye de faire du solo planning à tout le monde, et tu sais, t'as Chewbacca qui est là, et t'as Solo qui est en train d'essayer de lui dire, bon, hein, tu vas réussir à tirer avec ton flingue et tout machin, mais il a fait la guerre des clones, Chewbacca. Il a sauvé Yoda. À qui tu parles? Il y a un truc comme ça à la fin, quand Chewbacca, il commence à intervenir dans le cockpit parce que Kira sait pas quoi faire. Et il est là, genre, mais d'où tu sais voler, toi? Quoi, t'as 190 ans? Ah ouais, tu les fais pas. Hein. ça m'avait fait marrer. Du côté, bouge pas, je t'explique. Faut qu'on fasse ça. Ouais! Ouais, il faut pas le faire, ouais. Et t'as Chewbacca désabusé en mode putain. Bon, j'aime beaucoup le à rien les humains. Le timing est fantastique parce qu'il y a un petit temps où il laisse Akira quand même le choix. Ouais, elle va le faire. Elle a compris ce qu'il a dit. Elle va le faire. Ouais, non. Putain, ouais, j'en m'en occupe parce que merde. Et on a beau être un Wookiee, il est bien élevé. T'as Akira en mode je te laisse la place. Hein, écoute, moi je vais aller faire du café, bouge pas. D'ailleurs, en passant, on parlait de Convoyex, mais les gens qui trouvent la réelle molle, vous avez vu la scène du Convoyex? Parce qu'elle est y a des gens, j'ai vu beaucoup de trucs qui disaient ouais, la réelle est molle, c'est Ron Howard, c'est mou, c'est pas inspiré. Merde, les scènes du Convoyex, les scènes dans le Maelstrom avec la poursuite avec les TIE, vous avez vu tout ça ou ouais. Vous avez vu une version super cut du film? Mais justement, moi, pour le coup, ça faisait partie vraiment des points forts du film. Ils ont réussi à rendre les courses-poursuites intéressantes. C'est un peu un truc des films qui se passent dans l'espace. Des fois, bah, il n'y a pas vraiment de repères visuels, donc c'est un peu dur se voir si on va vite. Là, non seulement ils ont réussi à donner cette impression de vitesse, pareil pour la course-poursuite sur Corellia au tout début, mais je trouve que même, ils ont des aspects, ils ont des petites astuces de mise en scène qui rendent le truc intéressant, genre là je reviens sur les scènes avec le faucon, genre quand il fait une espèce de tonneau là pour éclater des chasseurs taille, quand il fait le dérapage là sur les avec les trains d'atterrissage, c'est des super bonnes idées, ça rend super bien. La blague est fantastique. Je vais faire le truc que mon pote il avait fait sur Corellia et qui est mort juste après. Mais oui, il est très drôle. Le film est très drôle. En vrai, c'est vraiment une comédie. Hein. Le film est très drôle. Faut vous le revoyez. Enfin, je sais pas, les gens qui l'aiment pas, revoyez-le. Il est drôle, ce film. On rigole souvent. Dans la course-poursuite sur Corellia, quand il se retrouve coincé et que t'as Kira qui fait une tête, genre, putain, mec, je te l'ai pas genre dit il y a 10 secondes. Oh, et d'ailleurs, un tout petit truc, justement, au moment, pour revenir à cette scène où Chewbacca, là, justement, devient le copilote, c'est à ce moment-là il relance la musique, le thème, mais ça passait tellement bien. Mm-hmm. C'était tellement beau avec la musique et tout. Franchement, j'en avais la chair de poule. Ouais, on en parlera de la musique. Bah, ça, pour moi, justement, ça, c'est une référence. On aura sûrement une discussion dans pas longtemps à ce sujet, mais pour le coup c'est une référence, c'est un petit coup de coude, mais c'est un coup de coude bienvenu, parce que t'es là, tu fais, ah ouais, ça y est, Chewbacca, il est avec Han Solo, ils sont copilotes, chacun à sa place. On a pris une douche ensemble. chacun à la place où on les connaît, ils sont dans le faucon, machin, c'est normal, enfin, ça marche bien, quoi, ouais, mais là, pour le coup, ouais, c'est vraiment une référence qui est facile, mais c'est toujours cool, quoi. Et sinon, oui, juste pour finir, l'action, la mise en scène est pas forcément toujours hyper inspirée, mais dans les scènes d'action, c'est bien fait, et surtout, c'est lisible. Mm-hmm. Je veux dire, revoyez les combats de l'épisode 3 ou 2 même, je sais pas, mais le 2 entre Beckett et Fitness quand ils se battent sur le Conveyex. Alors, déjà, l'idée même du Conveyex, c'est génial parce qu'on a un terrain qui ne cesse de bouger, de pencher d'un côté, de l'autre, de basculer, de machin, d'un point de vue, avec des capteurs, en plus, et tout, donc il faut faire. Voilà, en plus, il faut faire attention sur les côtés, mais je veux dire, le wagon passe son temps à basculer autour du rail. Rien que ça, c'est une super idée en termes de mise en scène, parce que ça va constamment bouger, ça va constamment être en mouvement. Et à côté de ça, le petit duel auquel il se livre, c'est super lisible. Ce qui est génial, aussi, avec ce film, c'est qu'on a une poursuite au début, on a un casse, on a une espèce de presque de duel aussi dans le désert. Enfin, on a des éléments de films de braquage, des éléments de films d'action à l'Indiana Jones, des éléments de western. C'est, je sais pas ce qu'il vous faut, voilà. Il y a tout ce qu'il faut dans ce film. Ouais, c'est c'est un vrai film d'aventure, en fait. C'est un style de film qu'on a vraiment plus de nos... Non, ça manque. Moi, je l'ai trouvé, en fait, voilà. Je l'ai trouvé rafraîchissant, quoi. Ouais. Un truc en faisant des trucs vieux. Un truc par rapport à la toute fin de la course-poursuite que j'avais trouvé rigolo, c'est au moment où le coaxium explose, j'avais trouvé que c'était... donc déjà, franchement, la montagne qui s'effondre, c'est quand même relativement épique. L'explosion est belle. Et puis, au niveau du son, c'est marrant, c'est un peu... Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'explosions célèbres dans Star Wars, mais il y en a une autre, c'est dans l'épisode 2. Et j'ai trouvé que c'était un peu l'inverse. Dans l'épisode 2, on avait un silence suivi de l'explosion, et là, c'était l'inverse. On avait l'explosion suivi du grand silence. Je pensais pas en parler, mais ce qui est intéressant avec cette explosion, et là, je suppose que c'est encore les concepteurs qui sont juste des fondus de Star Wars et qui font toujours les choses bien, le coaxium, c'est censé être un carburant pour les hyperdrive. Et dans l'explosion, on retrouve ce côté passage en hyperespace. Je sais pas si vous vous souvenez, vous l'avez vu récemment. Il y a vraiment ce côté... boost d'énergie, et derrière, enfin, on a l'impression que la montagne, elle explose, et après, elle est aspirée, comme si, c'était elle qui passait en hyperespace. Il y a vraiment ce côté, proche d'un passage en hyperespace, et comme c'est le carburant qui permet de le faire, je trouvais ça juste génial comme idée de concept, quoi. C'est top, en fait. Alors, j'ai vu que dans le truc, tu voulais parler de, un petit peu de L3 aussi. Ouais, bah, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur L3, hein, sur L3 et sur ce qu'elle fait même, il y a énormément à dire. Je sais pas vous, enfin, je crois qu'il y a eu des reproches à la sortie, comme quoi c'était pas le token black, mais le personnage un peu on va dire on met un personnage qui revendique ses droits machin et tout pour dire on est un peu moderne. Il me semble qu'il y a eu quelques critiques dans ce sens-là. Mais moi c'est un personnage que j'aime bien en fait. J'aime beaucoup ce personnage. Je trouve pas qu'il soit forcé. Il est hilarant déjà. Mais est-ce que les gens ont reproché au film d'être paresseux et se dire on va juste mettre ce personnage là et c'est tout, ou est-ce que les gens ont juste pas aimé le personnage? Je sais pas. J'aurais pas de dire là-dessus. Je sais pas. Moi j'ai vu que c'était 50-50. Hein, et la plupart des gens qui ont pas aimé le personnage, c'était soit des femmes qui trouvaient ça bof, soit des mecs qui sont pas très recommandables. ce que je voulais dire justement, c'est qu'en plus, parmi les critiques qu'on avait eues là, du fait d'avoir aucun truc qui parle de notre société actuelle, bah je suis désolé, L3... C'est l'incarnation même vraiment, des problèmes de société actuelle. Tu n'as pas regardé... Ah bah non, il parle des droïdes, genre... c'est pas du tout applicable. Tu sais, il a peut-être regardé avec son nez. clairement, en plus, L3, elle représente toutes les luttes de tous les opprimés, parce que là c'est sous les formes de droïdes, mais ça peut être le racisme. Oui, c'est universel en fait. Ça peut être... Voilà, et en plus je trouve que ils l'ont utilisé pour faire un ressort un peu comique, parce que t'as les robots qui se battent dans les arènes de avec les grillages, oui. Là, ça me fait penser à, je sais plus, je crois que c'est dans une série, genre, un mec qui a un truc comme ça, où ils veulent voir, robot versus catcheur, ou je sais pas quelle connerie. Ça m'a fait penser à ça. Mais là, je suis en train de me dire, c'est même un rapport avec les droits des animaux, quoi. Enfin, que les combats de coqs, les trucs comme ça, en fait. Elle représente toutes les luttes, contre la violence et l'asservissement d'une catégorie d'êtres vivants. Moi, ça m'a fait penser. Oh, pardon. Du coup, j'ai oublié. Je suis désolé. Non, c'est juste pour le robot qui se fait cramer le pied par l'autre dans l'arène. Ça m'a fait penser à une scène dans la trilogie originale, dans le palais de Jabba. Oui. Et le fait aussi qu'elles se battent pour les droits des droïdes, ça fait aussi beaucoup écho à la trilogie originale où ils se font gerter de la cantina. C3PO et R2D2. On sert pas les trucs comme ça. Mais elle sort pas une phrase comme ça à un moment donné. Oui. Oui, justement, ça c'est peut-être la phrase qui va un peu trop loin, c'est qu'on a dit ouais, ils servent même pas notre espèce ici. C'est vraiment genre, vous étiez pas obligés. Bah là, pour le coup, c'était peut-être un clin d'œil à la phrase du barman. Vous avez visé de 4. Complètement. Oui, c'est complètement, justement, ouais. Et c'est peut-être pour ça que celle-là, c'est un petit peu trop. Bah non, parce que ça explique aussi pourquoi ils sont indignés, parce qu'ils sont. Non seulement ils sont exploités, mais en plus on leur donne même pas accès aux trucs de base. Après, qu'est-ce que ça boit un droïde, je ne sais pas, mais tu vois, ça souligne le fait qu'ils sont même pas considérés comme elle apparaît toujours vénère à H24. Je trouve que ça marche bien en fait, ça me choque pas sur le personnage. Ouais, pareil. Moi je la trouve vachement cool, L3, et je suis contente qu'elle ait été intégrée au Faucon Millennium, dans la trilogie originale, le Faucon il est très capricieux, t'as toujours Chewie et Han qui sont en train de le réparer et en train de râler dessus en mode putain qu'est-ce qu'il va nous faire cette fois, et je trouve ça cool parce que du coup intégrer L3 ça fait genre c'est elle qui a encore une partie du contrôle. Ça personnifie encore plus le Faucon, et ça explique encore plus l'affection de Lando pour le Faucon. Mais pourquoi il est content même de le récupérer dans le Retour du Jedi et tout ça. Et je voulais dire juste une connerie. Moi perso, j'ai retrouvé, pardon, c'est rapide, hein, mais ça me fait beaucoup rire de voir comment L3, en fait, pour certains, c'est clairement l'incarnation de ce qu'ils appellent, eux, les SJW, mais dans Star Wars. Parce qu'elle rebondit constamment sur tout. Lando sort du cockpit, il lui dit est-ce qu'il te faudrait quelque chose, la meuf elle lui répond je sais pas, des equal rights, un truc. L'égalité des droits. Mais oui, c'est génial. J'adore ça. Meilleure blague du film, ça. Constamment paf, elle le lâche jamais. Elle l'aime bien et elle bosse avec lui, machin, ils ont une relation même sentimentale quasiment, on peut dire. C'est top, mais à côté de ça, elle rebondit à chaque fois sur tout et je trouve ça très drôle parce que ça a dû en énerver mais tellement. Alors que moi j'adore ce genre de truc, hein. Bah, d'ailleurs, par rapport à ça, une autre blague qui m'avait vraiment fait marrer, et d'ailleurs, ça avait été plus ou moins confirmé par rapport au personnage de Lando qui était décrit comme pansexuel. Et il y avait ce moment où L3 discute avec Kira, et voilà, elle lui dit : moi, j'ai le sentiment que Lando il a des sentiments pour moi, mais voilà, je peux. voilà, non, ça, on pourrait pas le faire. Et donc, Kira lui dit, mais comment ça marcherait? Et elle répond, ça marche. Oui, c'est génial. Mais vraiment, oui, c'est trop bien. Enfin, toutes ces scènes. Il pose plein de questions après cette réplique. Oui, mais en même temps, ça fait écho à des gens qui disent, ah, mais les homosexuels, comment ils font, machin et tout. Oui. Ça marche. Oui. Il n'y a pas de questions à se poser, ça marche. J'ai même pas pensé à ça, ça rend le truc en plus intéressant. C'est vrai qu'elle peut aussi représenter les luttes LGBT parce que par exemple quand elle dit qu'elle est qu'ils sont pas compatibles, ça peut c'est peut-être que pour elle pense pas au fait que lui c'est un humain et elle c'est un droïde parce que clairement pour elle il y a pas de différence, elle a dit qu'ils étaient tous sentients. Mais ça se trouve c'est parce qu'elle est lesbienne. Mais ouais. Du coup non, on n'est pas compatibles, c'est un mec. Par contre avec toi Kira, du coup. Et moi j'adore la tranche de Kira quand il lui... mais Comment ça marcherait? Bah ça marche. Et t'as Kira qui... Ah ok, mais je vais casse voir les câbles de Lando. Elle a explosé et t'as vraiment l'impression que ça a une scène qui aurait pu être cutée mais qu'ils ont pas refaite. Elle était parfaite, ils me regardaient comme ça. Il y a clair qu'elle a l'air explosée parce qu'elle vient de lui répondre. Ouais, c'est rire contenu, ça se voit sur son visage, c'est... Ouais. Et en plus après à la fin Kira, enfin Emilia Clarke, elle le joue bien aussi. À la fin tu sais, tu vois qu'elle est un peu dubitative, genre pourquoi il serait amoureux d'elle, enfin c'est bizarre. Et quand t'as la scène de Lando qui est super émouvante avec L3 qui meurt dans ses bras, tu regardes la tête de Kira et tu vois qu'elle se dit, ah putain, elle avait raison, il est vraiment amoureux d'elle. C'est super touchant, c'est trop triste. Non, c'est vrai. Alors par contre ça du coup c'est un truc, alors, avec le recul je me dis, mais un droïde ça peut pas mourir, ça peut se réparer. Hein, j'ai pas bien compris ce qu'est-ce qui... transformer sa personnalité dans un autre droïde. J'ai pas bien compris qu'est-ce qui était mort chez L3 à ce moment-là, en fait. C'est... Je dis pas qu'il aurait fallu une explication très longue de ça, mais on se dit bah. Mais peut-être que les données s'effacent automatiquement quand le droïde est cassé. Hein. Peut-être. Ah, après il y a la partie données avec sa partie carte hyperspatiale machin et une partie plus personnalité où là effectivement elle est effacée du coup. C'est pour ça qu'il l'a pas effacée jusqu'à présent parce qu'il aimait sa personnalité. Ou peut-être qu'il kiffe sa tête en forme de poil à frire sexy et il veut absolument celle-là. Il veut pas un autre droïde. Elle ressemblait à un wok. D'ailleurs, toute la conception de L3 est rigolote, hein, parce que c'est que des bouts d'astromécano, de machin, le truc. C'est pas un droïde tel qu'un sorti de l'usine, hein. Ça se voit, hein, j'imagine, mais c'est que des bouts d'autres droïdes rassemblés en un seul. Et même si c'est pas du tout évoqué, en fait, Lando, il est spécialisé dans les droïdes, en fait, il a sa propre société, je crois, de droïdes dans l'univers étendu, ouais, derrière, après. Un truc comme ça, ouais, donc, okay. Je crois que c'est un peu lui qui l'a assemblé, L3, à la base, il me semble. Je sais pas, ça va. Ce que j'allais dire, du coup, ça se trouve, il y connaît rien, parce qu'il a même pas l'idée de la brancher sur le truc, et quand Anne lui dit qu'on peut toujours l'utiliser, il fait, mais elle est morte! Mais en fait, non, du coup, ça marche pas. Non, mais, si, il y a un truc comme ça. Okay. On peut pas parce qu'elle est... Mais L3, c'est vraiment un droïde à part dans Star Wars, hein. Ouais, mais je pense qu'en fait, ça se trouve, il l'aimait tellement qu'il la voyait comme un être à part, et du coup, pour lui, elle était vraiment morte. Ouais, oui. Alors que tu peux toujours récupérer certaines données, quoi. Moi, ce qui est parmi, justement, donc on parlait des critiques des gens. La dernière fois, j'ai entendu des gens dire, ouais, bah, en gros, ils ont fait un copier-coller de K2SO. Ah, mais quoi? Mais non. Quoi? Mais ils ont rien à voir. Là, franchement, les mecs ont justement, rien compris. C'est un des trucs qui sont vraiment réussis, en fait. C'est que on a eu, plein de nouveaux droïdes. Comment ça marche? Ils font le poirier au cinéma pour regarder le film avec leur cul? Ben, j'en reviens là-dessus, hein, mais je comprends pas. Comment ils s'assoient sur le siège? Parce que moi, je m'assois, sur mes fesses, je m'assois dans le siège, je regarde avec mes yeux. Alors, il est très sarcastique et tout, mais bah, c'est l'opposé de L3 qui est tout, c'est le gars qui se mêle de rien, quoi, tu vois. Il est là, oui, il est très détaché, il est très genre, ouais, le seul moment où il s'implique énormément, c'est quand il se sacrifie pour qu'il puisse aller récupérer les infos, mais il est, oui, globalement, il est très détaché de tout ce qui se passe et sarcastique, enfin. Et très moqueur. Parfois un peu froid même, mais moqueur, oui. Mais... C'est peut-être parce que c'est deux droïdes à forte personnalité, contrairement à genre C3PO ou bah, R2, il a une forte personnalité, mais on l'entend pas parler, on comprend pas ce qu'il dit. C'est peut-être ça qu'ils ont voulu dire. Il dit des insultes à tout le monde, R2. Genre on fait des droïdes avec plus de personnalité, plus de lignes de dialogue, plus présents qu'à l'époque, quoi. Peut-être. Voilà, mais bon, c'est léger, je veux dire, comme justification. Ah ouais, clairement, ça n'a rien à voir. Et sinon, du coup, on n'a pas parlé du dernier personnage féminin. Anne-Fils-Nest qui n'a Proxima, eu... ah oui, c'est vrai, on a oublié Lady Proxima. Et elle, ouais, non, si, elle est un peu liée à Han Solo, mais sinon, hein, moi, je l'ai kiffée, elle me fait trop marrer avec cette voix de petite vieille. Avec sa petite voix, là. Avec tous ces colliers bling-bling partout. Mais il y a un personnage qui avait pas du tout été marketé, ou très très peu, encore moins que le film. Et on savait pas du tout qui jouait ce personnage-là jusqu'à la sortie du film. T'exagères un petit peu, si tu parles de qui je crois, enfin, il était marketé. De Anne-Fils-Nest. Oui, bah, il était marketé. Ouais, mais on savait rien dessus, on savait à peine son nom. Il y a un magnifique pins, si vous l'avez, ça m'intéresse, de Anne-Fils-Nest, je lance un appel. Des pins. Non, je parle vraiment des trucs qu'il y avait avant, hein, parce que après, il y a eu plein de trucs. Après la sortie du film, tu veux dire? Après la sortie du film, il y a eu plein de trucs. Ils ont pas communiqué sur le personnage plus que ça. Ouais, voilà. Ouais. Et quand les premières reviews sont tombées, moi, j'ai vu plein de gens qui disaient que c'était leur personnage préféré, machin, truc. Mais il est marquant, quand même. Alors qu'on en avait à peine entendu parler, avant. Et moi, je les comprends, parce que c'est un personnage qui est super cool. Et qui en plus introduit un autre aspect du film, justement le fait que les personnages que tu croyais être méchants aussi c'était les vrais gentils depuis le début, parce que les Fisnest et ses maraudeurs sont présentés comme étant un autre gang en fait, simplement, hein, qui dès le début qui viennent leur couper l'herbe sous le pied. Et puis ça aussi ouvre sur l'aspect politique et social de l'univers dans lequel ça se passe, avec les luttes autres que la rébellion et le Jedi. Oui, clairement. Bah si, c'est la rébellion. Bah oui, non, mais la rébellion, oui, mais en fait, comme elle l'explique... C'est la proto-rébellion. C'est même plus intéressant ça, parce que comme elle l'explique, en fait, ce sont des peuples qui sont déjà bolossés, enfin, asservis par les gangs, par la mafia, qui elle-même est de mèche avec l'Empire, qui seront pas protégés par l'Empire derrière, même également, qui seront pas... je pense que c'est toute la bordure extérieure, tous ces peuples-là, même des non-humains, machin, ouais, dont l'Empire se fout complètement. Tubes, là. Voilà, les tubes, il y a pas mal de non-humains également dans son gang. Mais... même sans Savary, non, il y a trop stylé, toujours content de le... Avec son bazooka! Mais ouais, il leur tire des roquettes dessus, c'est un ouf. Mais, toujours content de le revoir. Mais, il y a cette dimension, alors. Eh ben non, en fait, c'était pas un autre gang de sale type. En fait, c'est des mecs qui se battent justement contre les gangs, parce qu'il y a personne qui est là pour faire le taf, enfin, la police, ou même l'Empire s'en bat les couilles, donc, l'Empire est mêlé même. Et du coup, c'est eux qui vont d'ailleurs semer les graines de la rébellion, quoi. Oui, en plus. La rébellion, elle a plusieurs niveaux, comme tout le temps dans les luttes. La rébellion, c'est c'est les white fans. Mais ça c'est quelque chose. Je comprends que chez le spectateur grand public lambda, c'est pas quelque chose qui est forcément accroché, même si c'est pour les scénaristes, c'est un moyen de raccrocher les wagons et de dire aux spectateurs, regarde, ça fait un peu partie de la grande histoire. Mais je trouve que le spectateur fan de Star Wars, il a pas d'excuse de se dire c'est un peu tiré par les cheveux, parce qu'il sait très bien que la rébellion se fait sous différentes formes. Il a dû voir Rebels, ce genre de truc, c'est des cellules, c'est des machins, c'est des étincelles, quoi. Moi, je voulais faire une petite aparté. Les chiens coréliens, les trucs moches, et ben mine de rien, ils m'ont fait penser aux chiens dans Willow. Ah, j'ai pas je me demande quel est le point commun entre Solo et Willow. Mais oui, mais justement, ça m'a fait marrer qu'il ait repris le même design de chien qu'à le Cuba, et un gros torse et une tête dégueulasse. Sauf que là, ils ont pas de poils. Je vais reprendre les chiens et je vais reprendre Warwick. Ça va pas mal. C'est ça. Il y a plus Val Kilmer, c'est pas grave, on trouvera quelqu'un d'autre. Alors moi, perso, Anne-Fils-Nest, même si j'ai bien aimé l'histoire des germes de la rébellion, je trouvais ça cool, mais c'est peut-être un des trucs qui m'a un peu moins plu dans le film, c'est j'aurais bien aimé que Solo résiste un petit peu plus que dire tout de suite « Ah ok, vous êtes gentil, on va vous donner le truc, on va vous donner le coaxium qu'on a, voilà, on a failli mourir pour l'avoir. » Pardon. Ça va avec sa personnalité oui, non, de cette en, époque. En même c'est le temps, ils leur ont fait comprendre que s'ils leur filaient pas, ils les butaient aussi. Hein. Ouais, ils sont pas là pour jouer non plus. Ouais, mais disons qu'il était quand même prêt à filouter l'autre mec qui était quand même bien flippant avec son armée privée. Donc j'aurais bien aimé peut-être qu'il se pose un petit peu plus de questions avant d'accepter. Voilà, ouais. ça m'a oui, semblé un vrai. Petit peu rapide. Un peu rapide, ouais, mais peut-être qu'il a senti que les autres bronchaient pas ouais, trop et que celle-là. La menace immédiate, tu veux dire, Dryden Vos n'était pas encore là avec son yacht. Et ces mecs, la menace immédiate, voilà. C'était eux. D'ailleurs, la vanne est géniale hein, quand il leur dit, il bluffe en leur disant qu'il y a 30 mecs armés dans le faucon. J'ai qu'à faire le signal et le. Au signal, t'as Lando qui décolle. T'as Lando qui se casse. Ok. Du coup, moi, à chaque fois, je fais genre. Il a même pas attendu son fric tellement il en colère. C'est oups, vas-y, mauvais signal. Vas-y, fais ton truc. Tant pis. J'ai essayé, ça a pas marché. Tu sais, il recule. Vas-y, Beckett, merde. Et les autres qui le regardent d'un air de dire « qu'est-ce que tu fais ?» Genre quand il commence à s'avancer pour faire son kekos, c'est Akira qui fait une de ses tronches, genre elle se facepalme intérieurement, c'est genre « qu'est-ce qu'il va nous faire encore ?» Ferme ta gueule, putain. Donc voilà, c'était le seul petit truc, mais après ça m'a pas du tout gâché le film. Après, c'est vrai qu'il les a intégrés à son plan justement, tu dis « il est prêt à affronter l'autre avec sa petite armée », mais... Justement, s'il s'allie avec Elfisness, bah lui aussi, il a sa petite armée. C'est vrai, c'est d'ailleurs, vrai. D'ailleurs, c'est justement comme ça qu'il gagne. Et voilà. Et c'est assez intéressant. En plus, le casting est super cool. Ouais. Du personnage. Il y a des gens... Ah, finesse. Il y a des gens qui pensaient qu'en fait, si les personnages étaient étonnés quand elle enlève son casque, c'est parce que, en fait, c'était la fille de Beckett et Val. Quoi? Mais tu sais, c'est une femme, il faut qu'elle soit liée par donc le parce sang que à quelqu'un. C'est une femme et qu'elle a l'air un peu métissée, donc c'est forcément la fille de machin et de ben la ouais, tête. En plus, Beckett, il est roux, donc ça marche, tu vois. Putain. Non, voilà, et puis c'est wow. L'univers, ouais, c'est une Nirvana galaxie complète, mais il faut toujours que ce soit les mêmes 20 personnages. Bah en oui. Fait, ils sont juste étonnés que bah, ce soit un bébé. Que ce soit un enfant, oui. D'ailleurs, elle dit bien que sa mère portait le masque avant elle. Hein, c'est... Oui. Elle a pris le relais de sa mère, en fait. Hein, ouais. Maman, elle est morte. Donc, en fait, c'est Black Panther. En fait, mais... Anne-Fils Nest, c'est plus le personnage, le leader, que elle en ouais. Elle-même. En fait. Mm-hmm. On veut une série Anne-Fils Nest aussi, également, s'il vous plaît. Bobby Girl, si vous écoutez. En plus, elle a la musique qui déchire. On y vient, la musique, mais ouais. Mais justement, là, on va peut-être passer à la musique maintenant. On va passer au château, là. Au yacht. Et je pense qu'on peut en venir à toute la part, enfin tout ce qui est autour de l'histoire en fait, parce que le ouais. Scénario est simple, on l'a dit, hein, le scénario est basique, mais le film à côté de ça, il est hyper généreux en fait dans tout ce qu'il offre autour. Mm-hmm. Complètement. D'ailleurs récemment, il y a eu la petite campagne Make Solo 2 happen, mm-hmm. Donc les gens qui réclament une suite, ce qui est dont on parlait avec Chucky aussi cet après-midi, c'est vrai que le film il est super solide pour lancer plein de trucs. Oui. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment le genre de truc que Lucas il aurait voulu faire, parce que c'est vraiment un truc de serial et tu peux faire mais 5 oui. Séries dessus différentes, même des mini-séries et du coup dans cette campagne là il y a des acteurs, par exemple Jonas qui joue Chewbacca qui a relayé Ron Howard aussi et Kasdan aussi, et hein. Aussi ouais oui mais Kasdan tout le temps mais et il y a aussi John Powell qui est le compositeur ouais. qui a fait vraiment un excellent travail dessus. Si vous connaissez pas, bah, il a fait les BO de Shrek et les Bournes et surtout How to Train Your Dragon. Il s'appelle juste Dragon, je crois. Oui, en français, c'est Dragon. Il s'appelle juste Dragon en français et il avait eu une nomination aux Oscars d'ailleurs pour celui-là. Oh. Tu me dis, il a fait la BO de Shrek, je pense à All Star. Oui, c'était lui. C'était lui. Waouh, impressionnant. Mais non, non, ouais, c'est cette campagne, du coup, on va faire ça maintenant, puis on parlera après de la musique et tout ça. Mais ouais, cette campagne, enfin, il y avait Kasdan, justement, qui avait balancé quelques infos sur ce qu'il avait prévu pour une suite éventuelle. En fait, c'était ma transition, la campagne, hein, pour pouvoir parler de la musique. Ah, d'accord. mais du coup, il avait dit que la suite, enfin, ça aurait pu potentiellement parler d'une guerre de gang entre l'Aube écarlate, les Huttes, et le troisième, c'est lesquels, excusez-moi, les Pikes, merci, ouais, effectivement. Et ça pourrait faire un super film, mais surtout une super série. Moi, tu me fais une série là-dessus, j'en avais parlé, tu me fais une série là-dessus comme Game of Thrones, mais les premières saisons avec les différents gangs qui se mettent sur la gueule. Je suis partant, hein, je prends 6 saisons d'un coup. Mm-hmm. Juste une question, gang, le Soleil Noir, ça existe encore ou c'est encore canon ou non? Oui, c'est canon. Ça existe encore, mais c'est plus exactement. C'est plus la même chose. Okay, ouais, cool. Je crois que c'est une partie de l'Aube écarlate, du coup même. Enfin, c'est peut-être. Faudra revérifier. Oh, ok. Écarlate. Ils sont là dans Clone Wars, si je me trompe pas. Justement, quand ce Maul il forme son espèce de premier super syndicat du crime là, enfin. Yes. Ouais, en parlant de ça là, de guerre de gang, je disais je coffe aujourd'hui évidemment que ça aurait été vachement bien, tu sais, il y a trois chasseurs de primes dans la trilogie originale à qui Vador dit de ramener Solo, et ce serait génial d'avoir un film où t'as genre je sais pas Maul ou n'importe qui recrute absolument plein de Ça peut pas être Maul parce qu'il croit pas du tout en la force, Anne. Donc Jabba. Non mais Jabba. Il peut faire par intermédiaire. Oui, ou Jabba. Voilà, j'ai dit n'importe qui recrute plein de gens comme ça et qui les met en compétition en mode allez me chercher ça, mais sans les prévenir. Et du coup, dans le film, ils seraient tous en train de se la faire à l'envers l'un après l'autre. Et à la fin, Solo s'en sort. Et du coup, ça expliquerait pourquoi dans la trilogie originale, t'as les trois qui sont là. Ouais, ouais. Solo, ouais, on connaît. Voilà, engagez-moi comme scénariste. Mais du coup, oui, la musique. Alors, la musique, et pas que, parce qu'il y a plein de choses à dire aussi, mais ouais, effectivement. En plus, la musique, c'est un truc assez neuf, parce que voilà, Rogue One, ça a été, alors à la base, ça devait être Alexandre Desplat qui devait faire la musique, puis finalement, il est parti, et c'est, Michael Giacchino qui est venu à la place. Si vous connaissez pas, de toute façon, on va en parler dans l'épisode de Rogue One. Cette fois-ci, c'est John Williams qui a écrit le thème principal du film, le thème de Han Solo, tu sais, après 40 ans, il était peut-être temps. Et John Powell qui a composé la musique du film directement. Et d'après ce que j'ai compris, il y a quelques pistes sur lesquelles ils ont même travaillé directement ensemble. C'est assez intéressant. Et c'est assez fou parce que ça va vraiment bien avec le film, parce que c'est très péchu, en fait. Ça fait très rafraîchissant. En fait, un des reproches que je ferais à la musique de Rogue One, c'est que c'est très réussi mais c'est juste du copier-coller du style de John Williams, alors que là t'as John Williams qui est directement impliqué dedans, et ça fait neuf et ça fait cool, et reste il est pas impliqué totalement, hein, je crois il a fait un morceau ou deux, oui, mais il a fait un morceau et il a collaboré, il a supervisé sur quelques le trucs reste, il me semble que il fait partie, en tout cas il a poussé le nom de John Powell. D'accord. Pour faire la composition. C'est pour moi, c'est l'OST la plus fraîche depuis Disney. Hein. J'adore vraiment l'OST de Solo. Ah, non, oui. Je suis d'accord. Ouais. Et puis moi, je trouve que au-delà d'être une bonne musique de film, je trouve qu'elle les thèmes arrivent au bon moment. Elle est bien utilisée. Oui. Voilà, ça a fait encore plus plaisir. Ça la met encore plus en valeur. Non, bah, quand t'as les maraudeurs de M6 Nest qui arrivent, t'as ces cœurs féminins qui arrivent comme ça d'un coup, t'as ce thème immédiatement reconnaissable, ça marche, hein. C'est génial. Alors, moi, j'ai un truc que j'ai remarqué, alors, justement, je demande surtout à vous, qui visiblement l'avez plus écouté que moi, la toute fin, quand Kira et Solo et Han s'embrassent dans le vaisseau, juste avant que Han part à la poursuite de Beckett, il y a un thème au piano Et je me demandais, est-ce que c'est la première fois qu'on entend du piano dans une BO Star Wars? Ouais. Alors, dans les enregistrements, il y en a pour la bataille de Hoth, mais il me semble pas qu'on l'entende dans le film. Ah, j'ai pas souvenir. C'est un instrument qu'on n'entend jamais dans la. Dans après, la saga, c'est pas un instrument symphonique, ça peut s'expliquer, mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre. Ok. Quoi? Dans la musique de Williams, en général, il utilise pas de piano de toute façon. Ça arrive, genre il compose sur un piano, mais pas dans Star Wars. Bah dans Harry Potter, j'ai pas le souvenir non plus. Après, je les ai pas tout en tête. Mais... Ouais, mais il utilise des trucs différents. Ok. C'est vrai qu'en général, il prend des substituts, mais c'est vrai. Voilà. Et du coup, je sais plus de quoi on parlait. On parlait de la musique. De musique et qu'elle était bien. Et qu'elle était bien. Ah oui, et je voulais dire, ce qui est assez vraiment cool dans cette BO, c'est que, bah, déjà, t'as un thème pour Chewie, donc c'est toujours bien. En plus, il est super. Et il a une façon de gérer les thèmes, qui est vraiment, vraiment un mais pas des tweets, là. Bah, regarde pas. Il a une façon de se renouveler tout au long du film dans la façon dont il présente les thèmes, dont il... Non, et surtout dans le style qui fait, par exemple, il y a le thème de Kira et Han quand ils sont dans le... Comment ça s'appelle ? Le closet. Dans la penderie de Lando, ça fait très très très le garage à cap. C'est même tease, voire même années 50, leur thème super romantique à l'ancienne et tout. Et de l'autre côté, tu vas voir des percussions ultra rythmées pendant les scènes d'action qui font très très moderne et pourtant ça détonne jamais. Ça marche toujours très bien et c'est vraiment vraiment bien fait. Et est-ce qu'on va parler du meilleur exemple de musique intradiégétique de tout Star Wars ? Non. on va pas parler des grenouilles dans des bocaux. S'il te plaît. Allez, vas-y. Mais c'est génial. Je sais pas quoi dire de plus. Chicken in a pot est génial. T'as toujours pas dit de quoi tu parlais. Mais c'est cette scène où ils arrivent dans le yacht de Dryden. On a déjà cette magnifique salle de réception avec tous ces costumes, tous ces effets pratiques en plus, hein, c'est que ça. Ces aliens, ça, on a ce petit côté cantina, mais cantina un peu chicos, hein, vraiment, on est sur un autre niveau. Et on a une chanteuse qui est là avec, enfin, deux chanteurs, du coup, un chanteur et une chanteuse, qui font une espèce de morceau un peu jazz, crooner, enfin, je sais pas comment le décrire. Et c'est un des rares exemples avec la saloperie qu'il y a dans le retour du Jedi, dont j'ai plus le nom, Jedi Rocks, un truc comme ça, je crois, je sais plus le nom du morceau de l'édition spéciale. C'est un des rares exemples de morceaux intradigétiques qu'on a dans Star Wars, je sais pas vous, mais moi ce morceau-là, je l'adore, il est fantastique. C'est génial. Il est à la fois, on arrive à y donner, il a les marqueurs qu'il faut pour se dire ok, c'est tel genre de musique, je vois tout à fait, c'est ça et tout, et en même temps il y a vraiment ce côté ça vient d'une autre galaxie, et c'est impressionnant. Je trouve ça génial que le compositeur qui a fait des trucs très symphoniques avec beaucoup de cœur, beaucoup d'orchestration, tout ça, il soit capable de délivrer un morceau pareil qui marche du tonnerre, quoi. Je suis le seul convaincu par Chicken in a Pot ou quoi? Non, pas du tout. Moi, je trouvais ça en plus osé de faire un crossover avec Tortue Ninja en mettant comme chanteur le méchant là. Non. Ça c'est bon ça. Mais justement, peut-être inversement, c'est un truc qui explique que les gens n'aient pas aimé qu'on ait la marche impériale dans Star Wars, parce que finalement, c'est pas très exotique. C'est de la musique humaine dans Star Wars. Donc peut-être ils auraient aimé une musique qui fait peur. Mais c'est des humains suprémacistes. Hein, pour moi, ça gêne pas. Mais ils écoutent pas forcément la même musique que nous. Ça se passe dans une galaxie lointaine, très lointaine. Ils écoutent pas de musique, ils sont aigris. Par contre, c'est pas impossible. Je t'arrête tout de suite. La marche impériale ne fait pas peur dans cette version-là, parce que c'est une version en majeur, et du coup, c'est une version entraînante, une version joyeuse. C'est la propagande. Elle est là pour accompagner la propagande de l'Empire, donc c'est un morceau inspirant. Majeur, mineur, mais c'est de la musique c'est pas de la musique alien comme oui, cette musique. Mais je suis d'accord. Ouais, mais c'est là pour marquer aussi justement la différence entre les humains et les non-humains de. Enfin, et on saura pas quoi. Mince. Je disais que ça marquait la différence entre les l'empire humain suprémaciste, voilà, comme disait Tuki, et les non-humains mm-hmm. qui font de la musique totalement très mm-hmm. différente, quoi. Mm-hmm. Ça, non, ça je vois, ouais. Je suis d'accord. Ce morceau, tu connais pas, je trouve qu'il met vraiment l'ambiance de la scène. Il pose vraiment clairement l'ambiance de la scène. Les personnages sont bon, pas tous les deux magnifiques, mais il y en a un qui est magnifique avec cette superbe robe dorée qui est hallucinante. L'autre façon, on y vient magnifique après, mais... dans son petit bocal. Ouais, j'avoue. non, mais mais je sais pas, moi j'ai trouvé ça ouais. Ça c'est très Star Wars et en même temps c'était super frais. Je sais pas, j'adore ce truc. Je saurais pas expliquer. Moi ce que j'aimais bien pour la chanteuse, c'était le contraste en justement ce côté glamour de la robe et oui. cette espèce de truc qu'elle a sur la tronche qui lui donne ouais. ce côté froid et mécanique. Espèce de micro, ça, ouais. Mmh. Ça marche bien, ouais. Micro intégré. Mais il y a beaucoup de choses comme ça un peu étranges. Je sais pas si vous avez remarqué il y a un serviteur de, enfin, je crois que c'est une femme, mais un serviteur oui, de Dryden. Il lui manque la moitié de la tête, hein. C'est une espèce mais de oui, cyborg. Oui, c'est les décervelés, c'est génial. Ah oui! On en parle oui, un jour parce que ça a tout un lore, tout ça, oui. c'est génial. Mais ils ont avec Tam Pozla et tout, c'est justement, et Dr. Evazan et. Evazan, il mêlé à ça. C'est leur truc. C'est leur business. D'accord. Et du coup, j'ai fait une blague là-dessus, parce que, pour ceux qui n'ont pas le nom des personnages en tête, les deux là, c'est ceux dans la cantina qui disent à Luke que sa tronche leur vient pas. Et c'est des gars qui font des trafics d'humains auxquels ils enlèvent les cerveaux et une partie de la tête, voire carrément toute la tête, et ils remplacent par un espèce d'ordinateur. D'un plan droïde, voilà. Et ouais. du coup, je disais, ça se trouve, c'est pour ça qu'ils font ce business-là. Ils aiment pas la gueule des gens, alors ils leur enlèvent la gueule. Ça passe pas. J'aime pas ta tronche, en fait, les mecs, ils allaient lui retirer la tête. Du coup, on continue sur le design, ou t'avais encore autre chose à dire sur la musique? Non, mais je sais pas trop ce que tu veux dire sur le design, à part que le Faucon Millenium. Mais le design, dans l'ensemble, enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment, tout le design du film, c'est à la fois immédiatement reconnaissable, tu te dis c'est Star Wars, et en même temps tu te dis c'est Solo. Il y a une chose qui fait que dans les vaisseaux, dans les costumes, dans les certains aliens qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, même dans les tenues, il y a quelque chose qui t'arrives tout de suite à te dire ok, ça c'est du Star Wars, mais ça en plus je sais que c'est du Solo, ça se voit direct. Il y a toujours quelque chose. Je trouve que ça marche vraiment bien, c'est très inspiré, c'est à la fois classique Star Wars machin et en même temps super frais. Leur interprétation des pikes sur Kessel est superbe. Les costumes, on a des gardes pareil sur Kessel qui font très je pense pas forcément à ceux-là, je parle des mecs, je pensais plus aux mecs en jaune qui examinent un peu les dents de Solo et Chewbacca à un moment donné. Ils ont un costume qui tu te dis ok, ça marcherait à fond dans un film comme l'Empire contre-attaque au niveau du design et des couleurs et tout, c'est complètement rétro. Et en même temps, il y a cette nouveauté, il y a un truc, le faucon. Ils sont partis vraiment en couille, hein, tout le long du concept pour essayer de trouver ce faucon-là. Moi, je trouve qu'il est parfait, il est très réussi, il marche, quoi. Je suis vraiment, vraiment très, très fan de tout le concept visuel autour de ce film. Hein, tous les aliens autour de la table de poker, c'est fantastique. Le lieu même, cette espèce de cantina, chalet, c'est ouais. super, en plus les lumières, j'y reviens, mais les lumières sont magnifiques, rien que sur ces scènes là c'est ouf. Tout est très très très inspiré, on a l'impression qu'on a leur a laissé un peu les coups des franches. On avait Rogue One où c'était quand même assez fermé, beaucoup d'impériaux, beaucoup de tout ça, ça colle forcément vu l'histoire qui est racontée, mais on est sur quelque chose d'un peu plus rigide. Et là sur Solo, tu sens que les mecs, on leur a dit bah vous allez pouvoir faire du Scum and Villainy, allez-y, lâchez-vous. Il y a vraiment matière, quoi. C'est fantastique. Vas-y. Ouais, moi, j'étais tout à fait d'accord sur cette scène. Les aliens qui sont autour de la table de Sabacc, quand ils jouent, ils ont tous un design absolument excellent. C'était absolument dingue. Voilà l'inventivité. Mon favori, c'était celui qui avait la tête dans l'espèce de bocal. Oui, je l'aime beaucoup aussi. J'adore. Il avait ce côté massif. Parce qu'il est quand même mastoc, le mec, mais en même temps, il a une toute petite tête comme ça. Ça marchait super bien. C'est un effet pratique encore, je crois aussi. Hein. Je crois que c'est une marionnette. Hein. Je crois qu'il dans cette scène-là, ils le sont tous. Il me semble, ouais. Ah ouais, non, c'était ouf, là. Pareil, il y en a un, une espèce de gros sombrero sur la tête qui me faisait penser à un personnage qu'on a vu dans Clone Wars. Et dans les autres trucs que j'ai vraiment kiffé, je vais pas tous les lister, voilà, parce qu'il y en a trop beaucoup trop, donc je me concentre juste sur deux petits. C'est premièrement les... Alors, ils appellent ça des carbon bergs. Donc, c'est comme les icebergs, oui, en carbone. Ah oui, des trucs absolument massifs. Mmh. Et on a le tout petit faucon millenium qui est entre les deux, juste au moment où ils s'écrasent les uns contre les autres. C'est complètement, mmh, voilà, ça te donne une impression de démesure qui est vraiment absolument géniale. Et dans le même genre, voilà, Kuro kiffe sur la démesure. Alors, c'est pour ça, j'ai dû chercher sur Wikipédia, je savais pas, parce qu'il ne donne pas le nom. C'est, alors, ils appellent ça un Summa Verminos ou Verminote, donc qui est cette espèce de grande, méduse cosmique. Ah, la créature. Je veux dire, ouais, la méduse cosmique de plusieurs kilomètres de long qui vit autour d'un trou noir, mais c'est tellement un kiff de science-fiction. Elle est tellement magnifique en plus quand elle se fait aspirer par ce puits de gravité qui se désagrège. C'est dégueulasse, hein, mais. Ah ouais, ouais. C'est en tant que, pour peu, voilà, que vous aimiez bien un peu l'univers de Cthulhu, de Lovecraft, voilà, j'étais vraiment servi, en kiff sur ce personnage. Voilà, c'était vraiment un truc démesuré d'horreur cosmique qui était absolument génial. Donc, le trou noir est magnifique. Le Kessel Run en général est beau. C'est au-delà de visuellement ce qu'ils en ont fait, c'est qu'il y a plein de concepts. Enfys Nest et son bouclier sur l'avant-bras, le concept même du coaxium à la base qui est génial. Le film apporte plein de concepts, les Carbon Bears, le film apporte plein de concepts comme ça à Star Wars qui viennent s'ajouter à tout l'or qu'on a déjà. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont top et qui viennent se greffer à ça. Je trouve très très généreux de ce point de vue là. Et j'aime bien aussi le fait qu'il s'ancre dans un truc terre à terre à certains moments aussi, tu vois. T'as tout l'aspect espace avec le Kessel Run qui est juste incroyable, le fait qu'ils aient fait le couloir dans un trou noir, enfin, magnifique. Ouais, c'est un chenal en fait, c'est une espèce de chenal qui traverse le maelstrom comme ça. Ouais, et t'as en même temps le côté très terre à terre où on te le fout en plein milieu de la guerre sur un territoire où on voit même pas ce qu'ils font, où ils vont, qui est l'ennemi. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et où ils te disent, ouais, on est là pour faire la paix et tout, mais ouais, mais c'est nous les ennemis en fait. J'ai beaucoup aimé sa réplique. Ça apporte une autre vision de l'Empire qui est fantastique aussi. Je parlerai après. T'es sûr? Bah, je peux pas en parler maintenant si tu veux, mais il y a ce côté. c'est parti, je m'arrête plus. Il y a ce côté avec cette scène, enfin, cette séquence même entre le moment où il s'engage et on le voit arriver sur Minban et où il s'en va, où bah, déjà, on voit qu'il n'y a pas que les Stormtroopers dans l'armée terrestre, en tout cas de l'Empire. On savait déjà que c'était pas le cas ailleurs, mais voilà. Point de vue terrestre, il n'y a pas que les Stormtroopers, il y a aussi de la piétaille qui est pas forcément super bien équipé. En plus, c'est le début de l'Empire, tu vois que c'est pas forcément non plus un truc de ouf. Et il y a vraiment un côté un petit peu Première Guerre mondiale avec ces tranchées, cette boue de partout. Et puis oui, comme tu dis, cette phrase, on lui dit, enfin, moi j'ai beaucoup aimé cet officier qui est là, qui leur dit allez, on y va, machin et tout. Il y a ce côté un petit peu commissaire dans Warhammer, là où il essaye d'emmener la piétaille comme ça, à se faire fumer. Il est là, oh, la victoire est proche. Et il se prend une putain de roquette sur la gueule. Le mec est fumé, il a disparu littéralement. Il apparaît. C'est très drôle, c'est en même temps ironique. Et ça envoie un message même derrière ce truc-là, qui est top. Et en fait, ça montre le point de, enfin, le côté. Ça n'a pour un mec tout seul, enfin, prendre un mec au. Parmi cette armée impériale comme ça, pour lui, ça rime à rien. Cette guerre ne rime absolument à rien. Il a rien à foutre là. On vient attaquer Minban pour la rattacher à l'Empire, sauf que en fait, les mecs, on les agresse et on les envahit. Et puis c'est quoi cette planète de merde? C'est que de la boue. C'est de la boue, de la pluie. Ça n'en finit pas. La pluie des gros nuages. T'as vu les nuages qui bouffent. Ah, et puis on a Solo justement qui rigole là-dessus. Enfin, qui rigole. Qui... bien saoulé, hein, je pense, mais et puis t'as cet officier qui vient tout de suite leur remonter les bretelles en mode sentier de la gloire là, enfin c'est super intéressant et ça rajoute une couche à l'Empire. Et pour finir avec tout ça, les concepts c'est ouf, il y en a plein de nouveaux, esthétiquement c'est dingue, je m'éclate vraiment, hein, le art of, si vous pouvez le choper, il vaut le coup vraiment. Mais ce que je trouve génial aussi également, c'est que autant, comme je dis, hein, c'est du Star Wars, on le voit tout de suite, machin et tout, mais à chaque fois, on a très peu de ressuscés. Je crois que dans tout le film, on voit pas un seul Stormtrooper. Enfin, si on voit quelques Stormtroopers dans le hall du spatioport. Du spatioport, mais au-delà de ça, on en voit très peu. On a un patrol trooper là sur sa moto qui est complètement inédit. On a un nouveau type de taille également, je crois que c'est taille agressor, je crois, pareil dans le Maelstrom. Globalement, alors tout ça, forcément, on te dit, oui, bah, c'est fait pour ramener des nouveaux jouets, des nouvelles figurines, machin et tout. Alors oui, j'imagine, hein, mais ce que j'aime bien, c'est que le film arrive à s'approprier les concepts habituels, les idées habituelles de Star Wars. Qu'est-ce qui fait un Star Wars? Et les adapter à sa sauce et d'amener de nouvelles choses derrière. Et c'est super cool aussi. C'est frais à regarder, en fait, simplement, quoi. Parce qu'ils auraient très bien pu foutre un Scoot Trooper sur une moto jet, ça, on l'avait déjà vu. Ça marchait pareil. Là, ils sont allés faire un autre type de trooper dans un milieu urbain avec un véhicule adapté, enfin, et qui s'inscrit vraiment dans le décor de Corellia tel qu'on l'a vu, quoi. Il s'arrêtera plus jamais, hein, ça y est. Plus jamais, je continue maintenant pendant 3 heures, c'est parti. Ok, donc maintenant tu vas nous parler de la lumière, je suppose. Non, je vais peut-être en parler vite fait, moi, parce que c'est vrai qu'on en a, beaucoup, parlé et rigolé par rapport à ça. Justement, le film qui a une réputation d'être super sombre. Tu sais, comme l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones. et au cinéma, j'avais eu aucun problème avec. Et puis, on a acheté récemment le Blu-ray, mais avant de l'acheter, moi je l'avais téléchargé. Et sur la version téléchargée, c'était vachement plus sombre que quand j'étais au cinéma. Et là, on a regardé hier la version Blu-ray, et c'était nickel, on voyait vraiment super bien. Il y a du sombre quand ça peut être sombre. Mais la version que tu avais téléchargée, c'était le Blu-ray déjà? Normalement, ouais. Mais... au final, j'ai l'impression que ça dépend de la version que tu vois, ou par exemple au cinéma, ça dépendait du projectionniste. T'en avais qui faisaient bien leur taf et d'autres qui faisaient mal leur taf. Et du coup, au final, moi c'est comme pour l'autre. Hein. Moi, j'ai eu aucun problème pour le truc de Game of Thrones. On voyait super bien. Il y a plein de gens qui disaient qu'ils avaient du mal. Il y a quelques gens qui disaient qu'ils avaient C'était pas ouf chez moi, justement. Et... moi, j'ai aucun problème avec les deux. Là, c'est vraiment parfait. Et c'est très joli, en fait. Je crois qu'avec ce film et cet épisode de la série, je suis très vite, promis. Je pense qu'on a atteint un point où, justement, en fait, on arrive à un niveau technique au cinéma ou en série. On peut filmer des scènes en vraie nuit, ce genre de choses, et essayer de jouer vraiment sur une très faible plage de lumière, comme ça, en se disant, je vais faire quelque chose de très sombre, mais en même temps assez lisible. Sauf que, à ça se heurte la réalité de chacun, des écrans de chacun, de la technologie que chacun a à sa portée. Autant pour Game of Thrones, le fait que la compression, parce que c'était en streaming, la compression fait que ça a dû niquer beaucoup de choses chez les gens. Mais aussi le fait qu'on n'a pas tous forcément un super écran 4K qui se règle bien à disposition. 4K. Non, mais voilà, on n'a pas forcément tous la technologie qui va bien pour voir un film qui joue sur sur la corde raide entre le on voit rien et le on voit tout juste ce qui se passe, quoi. Ouais, on voit tout, mais tout en restant très sombre. Ça s'arrange en fait. J'ai vu la version Netflix, et c'est vrai qu'il y a des moments où je me disais c'est quand même un petit peu sombre, mais voilà, rien de bien choquant. Mm-hmm. Voilà. Donc voilà, on a enfin parlé de la lumière, Matt. C'est bien. On n'a pas parlé des références pas mal au encore. Début. Parce que j'ai vu qu'il y avait une critique qui revenait régulièrement, c'était les références. Ouais, c'est vrai. Allez, on va en parler vite fait. Vite fait. C'est pire dans Rogue One. Allez, hop, salut les gars. Alors, moi, franchement, les références, j'ai pas calculé tant que ça. Et je pense que les gens confondent références et le fait que ça raconte l'histoire d'Han Solo. Donc, forcément, ça va parler des trucs dont il a déjà parlé dans la trilogie originale. Enfin, c'est. Merci. Bah oui. C'est logique. Moi, c'était un peu la même réflexion que je m'étais fait. Moi, j'étais allé plus loin. Je me disais, allez où la limite entre à quel moment utiliser un élément de l'univers Star Wars dans un film Star Wars, à quel moment ça devient plus un moyen de connecter le film à son univers, mais une référence. Bah, c'est par exemple quand tu bouscules Ponda Baba et Gérard Jugnot dans que, la que rue tu... là et que la caméra elle s'arrête dessus voilà. pendant 20, oui, deux ça, minutes. Mais là le problème c'est la caméra qui s'arrête dessus pendant 2 minutes, c'est pas le fait que tu les bouscules. Mais oui. non, je sais, mais justement, si je fais un film Star Wars, si je suis je sais pas, je suis engagé pour faire un film Star Wars, je mets un des Stormtroopers dans mon film. Est-ce que c'est une référence à la trilogie classique ou est-ce que c'est parce que j'essaie d'intégrer mon film dans cette période de l'univers? Alors moi à la limite J'en ai deux qui pourraient être interprétées comme des références comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Et personnellement, je trouvais qu'elles passaient plutôt bien. Premièrement, le bisou dans le garage à cap. Je trouvais la manière dont c'était filmé, ça me faisait beaucoup penser à celle entre Solo et Leia. Bah c'est surtout l'intervention de Beckett en plus à de la Beckett fin. Derrière aussi, à la C-3PO qui vient faire un truc là-dessus. Ouais. C'est rigolo, c'est un running gag du coup. Ouais. Plus jamais on voit bah voilà, je trouvais que c'était relativement bien installé. Et le deuxième, c'est moment où il... Bah, tu veux dire un truc, pardon? Oui, par rapport à cette scène-là, justement, c'est encore plus drôle quand tu sais que c'est la même pièce, en fait. Ah, c'est la même pièce du Faucon. Ah, c'est la même pièce. Il y avait plus de bordel dans la version oui, originale. Parce que c'est un gros crâne. Oui, c'est il a pas besoin des capes de Lando, donc il y a plus tout ça. C'est la même pièce, c'est juste, c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment, enfin, évidemment, c'est fait exprès. Oui, c'est voulu, quoi, c'est assumé. Et donc la deuxième, qui peut-être était un petit peu plus forcée, c'était quand ils sont sur la plage. Que Lando regarde son faucon tout détruit et qu'il lui dit je te hais et l'autre lui répond je sais. Ah, moi j'ai trouvé ça drôle. C'était rigolo mais peut-être un petit peu plus forcé. Là c'est quand même plus hey, t'as vu. Quand je te parle de référence, c'est que des gens se plaignent que on évoque le Terrascasi par exemple. Le quoi ouais, c'est quoi ça? Le truc avec lequel il lui botte le cul parce que c'était un jeu vidéo. Alors, qui s'appelait Masters of Terrascasi. Quand Kira dégomme le Pike dans son bureau. Oui pardon. Il y a L3 qui fait, ah, bah, putain, qui a mis sa race, machin. Et elle lui dit, ouais, c'est du Terrascasi, c'est Dryden qui me l'a appris. Et ça, en fait, le Terrascasi, c'est tiré du vieux jeu PS1. Ouais, ne touchez pas, c'est une merde. Mais le problème. Masters of Terrascasi. Ouais. Mais... Ah bon. Quel pourcentage de spectateurs vont savoir ce que c'est, quoi? Mais même là, on est quoi? On est 4 à connaître Star Wars, à aimer Star Wars. Il y en a au moins 2 qui savent pas ce que c'est. Ouais, mais je vais aller plus loin encore. C'est un indice juste que vers Maul en fait. Oui. C'est pas juste de la référence pour de la référence. T'as pas C-3PO qui a une ligne de dialogue pour dire oh là là, mais je ne suis jamais au courant de rien ici. Oh, ils vont sur Scarif. Oh, et ta gueule. Non, c'est. Au pire, la personne ne comprend pas et ça fait un peu de lore et c'est pas grave. Et au mieux, ben c'est un indice pour la révélation de Maul plus tard, comme quand Dryden il dit ouais tu sais très bien à qui je réponds moi-même, alors tu vas pas faire tes conneries Beckett. Oui, j'ai bien aimé ça quand tu sais à qui il répond quand tu vois le film après l'avoir vu une première fois. Ouais donc. Ça marche à chaque fois, genre ils font du name dropping, mais en même temps, ben ça sort pas de nulle part. C'est logique, oui, ils se connaissent. Il y a aussi, ces gens-là. Il y a plein de name dropping, quoi. Quoi? Il y a ça, il y a ça parle de Racing, de Bosk, de Bosk. Anselm. Oula, il y en a qui se plaignent de ça, quoi. Mais c'est pas grave. Moi, je vois même pas le problème. Je vais faire un film dans le Seigneur des Anneaux. Si je dis Minas Tirith, ça va être une référence aux autres films, forcément. Il faut bien que je l'appelle ça comme ça s'appelle. Je veux dire, faut pas l'appeler autrement pour vous dire, vous faire plaisir. Enfin, il y a une manière dont je pourrais éventuellement le comprendre, c'est que, par exemple, quand on parlait de Enfisness, les gens disaient, ah, mais ils sont étonnés parce que c'est la fille de machin. Et donc on se disait que le souci c'est qu'on est dans une galaxie entière de plusieurs milliers de planètes et donc les gens peuvent pas toujours être reliés les uns aux autres. Donc peut-être les gens pouvaient se dire ben voilà pourquoi s'ils doivent citer des chasseurs de primes, pourquoi ils citent forcément ces deux-là alors qu'il y a sûrement des milliers d'autres... Il parle même pas de Boba Fett. Ben, parce que peut-être que c'est les chasseurs de primes qui sont actifs particulièrement dans cette zone-là. Ouais. Puis c'est peut-être les meilleurs du moment aussi. Oui, peut-être que c'est ils ont travaillé avec, ou ils font partie de trucs... Enfin, tu sais, le cartel des Hutt, les trucs comme ça, c'est des gros trucs, et puis après, t'as des sous-trucs, donc forcément, tu dois connaître un peu les noms des gens du milieu, et puis, ils sont dans une zone bien précise. Parce qu'au bout de la galaxie, ils connaissent d'autres gens. Quand Lando rencontre Beckett, je pense qu'on est un peu sur la même dynamique de Solo qui... Enfin, en fait, il évoque son CV, simplement. Ah, tu es Beckett, t'es le mec qui a tué Racing. Il lui fait comprendre qui sait qui il est par sa réputation. Ouais. Quand tu croises Solo et que tu lui dis ou qu'il dit qu'il a fait son Kessel Run en temps de parsec, c'est parce que c'est l'info principale qui circule autour du personnage dans ce milieu. C'est ça, je trouve que ça fait sens en fait de d'aborder non, quelqu'un vois, comme ça dans le truc quoi. En plus, comme tu dis, Matt, si je me souviens plus moi du truc sur Horacing, mais s'il lui dit vraiment ah ouais c'est toi qui as tué Horacing. C'est ça, c'est comme ça. Ouais. C'est logique de prendre un nom que les gens connaissent et peuvent se référer à, parce que si tu dis « Ah ouais, t'as tué Jean Péta ou Schnock », les gens vont être « Ok, qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est qui Jean Péta ou Schnock ?» Alors que là, « Waouh, il a tué au Racing !» Tu vois, tu peux te raccrocher à quelque chose. « Ah ouais, ok !» Ça te met une échelle, en fait, de valeur de ce que l'info a. Et puis, entre nous, même ce genre de name-dropping, ça concerne que les mecs qui s'intéressent à Star Wars. De toute manière, au Racing, il faut avoir vu Clone Wars, minimum, pour savoir ce qu'il sait, quoi. Oui, voilà, ouais, quand Solo il lâche pendant la partie de sa bague que son vaisseau c'est un VCX-100. Ouais. Bah ouais. Tu sais ce que c'est que Xibut, un VCX-100? Alors là. Tu kiffes peut-être? C'est le Ghost. C'est le Ghost, c'est le vaisseau qu'il y a dans Rebels, c'est ce modèle de vaisseau là en fait. Mais t'as pas besoin de le savoir pour t'as pas besoin de le savoir pour comprendre le film. Il dit juste un modèle. Le film te fait comprendre que c'est un bon modèle. Et voilà, c'est tout ce que t'as à savoir. C'est pas gênant, ouais. Et si tu sais, ben c'est un plus. C'est tout. C'est un plus, c'est cadeau. C'est le film. Et je trouve pas que ce soit vraiment un coup de coude dans les côtes comme dans. C'est Dark Vador qui massacre des gens dans un couloir, même si. Voilà, moi, c'est cette scène-là. Même, hein, ça sert à rien. Ou même c'est pas Finn qui joue déjà Rick dans l'épisode 7, quoi. Ouais, c'est aussi. Un petit peu plus subtil. tu es fan de Star Wars, je te lâche quelques trucs comme ça, tu vas kiffer, c'est cadeau. Mais si tu as pas les références, tu comprendras le film quand même. Okay. Ou là justement, dans Rogue One, quand t'as la caméra qui s'arrête sur les deux Gus, si t'as, tu te souviens pas de ça, qu'est-ce qu'a fait la réelle là ? Et moi la première fois, je me souvenais pas, je comprenais pas, j'avais oublié qui reconnu. C'était. Ouais, la première fois que j'ai vu Rogue One, j'ai pas compris. Moi j'ai vu sa gueule, j'ai fait. Ok, qu'est-ce qu'il fout là ? Et pourquoi ils ont mis ça comme ça? Et du coup, sur le coup, ça m'a fait marrer. Genre, oh putain, il y a les deux gueules de... Qu'est-ce qu'ils foutent là? Voilà, ça apportait rien de... C'était vraiment juste un gros clin d'œil. Genre, hey, regarde, c'est le mec qui est jamais content. Wink, wink. Voilà, ça pour dire vous que, allez voir, on aime bien Rogue One quand même. Très forcé. Non, mais Rogue One, je l'adore aussi, hein, faut pas. Mais c'est vrai que par contre, au niveau fan service. C'est ça, venir dire que les références sont forcé et abusé dans Solo, c'est un peu de la mauvaise foi quand même. Moi, je veux dire, déjà, elle concerne qu'une minorité de personnes, même parmi le public de niche qui devrait être visé par le film. Et en plus, elle nuise pas au film, donc j'ai pas le problème. Ouais. Non, elles sont bien intégrées dedans. C'est pas juste on met le truc là au milieu de tout, puis on fait genre ça marche. C'est intégré dans le lot. Donc, je suis en train de réaliser qu'on a presque fait le tour, pardon, mais on n'a pas parlé de Maul. De quoi? On n'a pas parlé de Maul? Oui, qu'est-ce qu'on peut en dire là? Par contre, je suis prêt à admettre que, c'était pas forcément utile de le mettre. Ou du moins tel qu'il a été mis. Et, en ayant fait ça, il faut faire quelque chose derrière. Oui, ça on peut pas rester là-dessus comme suite. Ça. C'est le problème. Il faut une suite, que ça et soit ça, en mode laser, en série. Non, là, c'était juste. Oui, je suis d'accord avec toi, Grushkov. Moi aussi, je me suis dit que j'étais forcé là en le revoyant. La première fois que j'ai vu t'as film, vu mon beau sabre laser. C'est ça. La première fois que j'ai vu le film, j'ai fait oh mon dieu, Yamo là, j'étais trop heureuse. Et là, quand on l'a revu, j'ai regardé et puis j'ai vu le truc du sabre laser. Je fais ça fait un peu kitschos, c'est un Maul qui monte son gros sabre. Regarde, je suis bien rouge. Et, Et le problème, c'est que c'est à ce moment-là, je pense qu'on a perdu une bonne partie du public qui suit vaguement Star Wars. Il s'est dit, mais ce mec-là, il est mort, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est là, à quel moment se passe le film. C'est pour ça que je comprends rien, je laisse tomber. Je pense qu'il nuit un peu à ce moment-là à la compréhension du film pour un certain type de public. Mais c'est pour ça que je disais que c'était un film de niche, hein. Je veux dire, si tu sais pas que Maul, il était vivant, bah. Ça t'a spoilé Clone Wars et Rebels. Super. Et je suis d'accord qu'en plus, l'introduire, enfin, moi, quand je l'ai vu, j'ai vu qu'il y avait Maul et que ça se finissait, enfin, que ça fait partie de la fin, je me disais, mais alors ça veut dire qu'il va y avoir un truc de ouf, ils vont faire une suite où il y a Maul et puis il va y avoir plein de contrebandiers et plein de chasseurs de primes et plein de trucs. Pour moi, ça annonçait une suite épique, c'est pas si on en aura. J'espère sincèrement qu'on aura au moins un roman, un comics, un truc, ils peuvent pas rester comme ça là-dessus, c'est pas possible. C'est ça le problème, c'est que on a perdu des gens en route et en même temps, ça laisse une porte ouverte qui est tellement grande qu'il faut en faire quelque chose. Il peut pas laisser ça comme ça à la fin du film et pas aller plus loin. Et pour parler de Maul en lui-même, je me demande s'ils ont fait exactement le même maquillage ou alors si c'est juste dû à l'écart d'âge. Mais je trouvais que Ray Park avait une tête plus arrondie. Plus petite dans la prélogie, et là elle était plus longue, ce qui faisait aussi un effet plus impressionnant et plus menaçant, je trouvais. Et au début, je me suis demandé, est-ce qu'ils ont vraiment repris Ray Park, parce que je trouvais qu'il ressemblait à un mélange entre Peter Stormare, je sais pas si vous voyez qui c'est, il a joué dans Prison Break et il a joué dans Constantine, c'est le diable dans Constantine. Et pour moi, il ressemblait à un mélange entre lui et Till Lindemann, le chanteur de Rammstein. Il y a un air. Je sais pas du tout, j'arrive pas à visualiser. Il va venir le faire comme Thor. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont bien rendu son âge, en fait. Je sais pas s'ils sont basés sur les traits âgés de Ray Park maintenant ou pas. Je me souviens pas trop de sa tête. C'était il y a 10 ans. Oui, mais est-ce qu'ils ont exagéré est-ce qu'ils ont exagéré ses traits avec le maquillage ou s'ils sont vraiment uniquement reposés là-dessus? Je pense pas, mais du coup, ça marche pas. Quand tu dis traits affinés, un peu plus fins, un peu plus menaçants, peut-être qu'ils sont inspirés peut-être un peu de Rebels et Clone Wars pour le maquillage, peut-être, du coup, aussi. Mais en tout cas, il marchait bien, moi j'étais trop content. Ouais, il marche bien, sinon. C'est juste que, c'est pas pour, enfin, dit comme ça paraît bizarre, mais il est pas pour tous les publics, à ce moment-là, quoi. Et voilà. Ouais. Et ben, je pense qu'on a fait le tour, ça y est. Je peut-être rajouter un petit truc, par exemple, sur, moi j'aimerais bien juste vite fait dire que, je suis content du casting du jeune Han parce que il a vraiment cette partie de touchante du personnage et c'était je pense le avec la fin de Force Awakens et le fait qu'il connecte avec Rey connecte avec Rey et tout ça et puis ce film là c'est vraiment ce qui m'a fait aimer ce personnage et maintenant j'ai envie de raconter des histoires d'aventures dans l'espace. C'est vrai qu'on a vu l'acteur se faire beaucoup bâcher pour son jeu, son charisme. Ouais, alors c'est aussi basé sur les rumeurs, ça m'énerve. C'est les mecs qui font il a un coach, donc ça veut dire qu'il s'est pas joué. J'avais vu ces rumeurs. Ouais. Non. Il avait un coach apparemment qui l'aidait à jouer ou à. Mais peut-être que le coach était juste là pour l'aider à. Deux choses. À refaire solo, quoi. Oui. Imiter Harrison Ford. Parce que mine de rien, il s'en sort très bien au niveau des mimiques, des attitudes. Il y a un gros boulot, hein. Ça a l'air de rien, mais ça doit le limiter dans son jeu d'une part. Mm-hmm. Et en même temps, parce qu'il est obligé de coller un peu à ce qu'aurait fait Harrison Ford à tel ou tel moment. Et en même temps, c'est un sacré travail. Mais en plus des coachs ça arrive souvent sur les tournages déjà, c'est comme les reshoots, ça arrive souvent. C'est pas grave, ce n'est pas sale. Ouais. Et en plus j'aimerais rajouter que il avait un coach à l'époque où il y avait Lord et Miller, pour les gens qui pensent que ça aurait été forcément mieux avec eux. Donc si pour vous c'était mauvais signe, rappelez-vous que les acteurs ne savaient pas ce qu'ils étaient censés faire quand il y avait Lord et Miller. et que du coup ils lui ont ramené un coach à ce moment-là. Voilà, posez-vous les bonnes questions et arrêtez de dire que c'est... Alors les mecs, ils ont eu un Oscar pour le dernier Spider-Man là, c'est super. C'est pas parce qu'ils réussissent pratiquement tout que ils allaient pas se planter complètement avec celui-là. Voilà. Pour Alden, c'est juste pas facile de passer après Harrison Ford, quoi qu'il arrive. Hein. Il jouait quand même vachement bien. Surtout avec les préjugés et les gens, ils voulaient. Mais ça m'énerve. Ça, c'est les gens qui disent, ouais, il imite trop Harrison Ford. Alors déjà, pas du tout. Et en même temps, l'opinion publique voulait un mec qui est connu parce que il fait des imitations de Harrison Ford et ils étaient en colère que ce soit pas lui qui ait été casté. Bon, pourquoi ils voulaient qui à la place? Je me souviens plus de son nom, c'est un jeune... Je me souviens plus de son nom, je l'ai sur le bout de la langue. En gros, un acteur qui est connu pour faire des imitations d'Harrison Ford. Un jeune acteur qui est connu pour faire des imitations, vraiment des imitations de Han Solo, de Harrison Ford. C'est comme le deepfake où ils avaient refoutu la tronche d'Harrison Ford sur une scène du film, quoi. Ça me fatigue. Vas-y. Non, moi je suis d'accord. Voilà, je suis complètement d'accord sur tout ce que vous avez dit sur le mec qui joue. C'est quoi son nom, le type qui joue Solo? Alden Ehrenreich. Ok, merci. Mais moi vraiment la meilleure idée de casting, le personnage le plus réussi, c'était Donald Glover en Lando. Franchement, il était magistral. On le dira jamais assez. Ouais. Il avait complètement intégré le personnage. Voilà, l'un de mes moments favoris du film, c'était quand il est dans le faucon, qu'il attend, quand ils sont sur Kessel et qu'il fait les chroniques de Calrissian à sa propre gloire. Et il le joue tellement bien. Et d'ailleurs, une anecdote que ma copine m'avait racontée, qui est donc vraiment fan, comme tu disais, Matt, de Community, donc qui suit bien l'actu de Donald Glover. Avant le tournage du film, il avait apparemment rencontré Billy Dee Williams, ouais, qui joue donc le Calrissian original, ouais, pour lui discuter un petit peu de sa conception du personnage. Donc Glover arrive vers Billy Dee Williams et lui commence à lui parler. Alors, ouais, tu vois, moi j'ai plein de théories sur la manière dont il devrait être, sur les choses qui ont de l'influence sur lui. Alors c'est pour ça qu'il se comporte d'une certaine manière. Et Billy Dee Williams, qui est poli, qui le laisse parler, puis qui à la fin, qui lui dit, écoute, just be charming, sois juste, voilà, séduisant, séducteur, charmant. C'était vraiment le cœur du personnage, et je trouve qu'il a complètement intégré ça dans son rôle, mais qu'il arrive quand même à aller un petit peu au-delà et à lui donner de l'intérêt, de la profondeur. C'était vraiment Et puis un timing comique qui vient de Community, j'imagine aussi. Ah bah complètement, ouais. Là, c'est qui marche super, quoi. Enfin, il était irrésistible, voilà. Franchement, tout du long, c'était vraiment magistral. Donc voilà, gros big up à... Il crève clairement l'écran, ouais. Il est fantastique. Ah ouais, il vole la scène à chaque fois qu'il est là. C'est une cape sur mesure. Oui. Vous allez le dire. Et puis big up à la chemise du joueur du grenier à la fin du film aussi. D'ailleurs, elle est en vente, cette chemise-là, avec le même truc. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que quand on avait regardé le film... La première fois, j'ai remarqué cette chemise dans la penderie et j'ai dit à Grushkov, oh, regarde la chemise qu'il a dans sa penderie. Et Grushkov l'a loupée et elle est apparue à la fin du film. J'étais, c'est ça, c'est la chemise. Le foreshadowing, mais à son plus haut niveau. Je l'avais repéré. Hein. Ok. Alors. C'est bon, on a fait le tour, tout le monde? Je pense que... Je pourrais en parler encore des heures, hein, mais... Ouais, je sais, monsieur qui veut jamais faire trop long, on a fait 2h30, il est encore prêt à parler pendant 3 heures. Mais c'est Solo, là, en même temps. Y a-tu qui, peut-être? Je sais pas si toi, tu avais un truc sur le casting? Non, moi, j'étais très fan du casting, je me demandais juste comment les gens avaient réagi à l'époque quand... comment il s'appelle? Ewan McGregor avait été casté pour jouer Obi-Wan. Non, ils étaient contents. Ouais, ok. Il y en avait plein qui râlaient parce qu'ils ressemblaient pas. Ouais, mais c'est globalement, c'est le cas pour ils étaient tous, contents. Hein. Glover, il ressemble pas à Billy Dee Williams. Mais justement, Alden, il a les mêmes yeux. Donc ça marche. Ouais. Il a pas du tout le même nez, par contre. Hein. Non. Ça, Mais voilà, moi je les trouvais tous très bien. J'étais ouais contente du casting. Ils jouaient tous bien, donc c'était cool. Mm-hmm. Puis rien nous dit que. J'ai adoré Proxima. Ah. On a tous notre petit personnage qui est insignifiant mais qu'on adore. Watu, Proxima, c'est mon pas style. Insignifiant Watu. Bref, allez. Oh, sinon on est encore parti pour Tropie comme d'habitude. Hop là. Un dernier mot là maintenant ou pas? Bah je peux conclure. Enfin hein, pour moi. Ouais. Bah simplement un film qui a été condamné trop tôt. Trop vite, trop tôt, avant même de sortir. Alden, pareil, il a été condamné directement. Enfin, c'est un film qui mérite un meilleur accueil, un meilleur lancement, et qui mérite d'être vu. Et j'espère qu'on aura quelque chose, une suite, peu importe la forme sous laquelle on l'aura, une série, j'espère. Mais c'est clairement pas le désastre qui était annoncé, ou qui a même été... Qu'il aurait pu être vu... Qu'il aurait pu être, hein, simplement. Hein, qui est très drôle à regarder, d'ailleurs. C'est, ouais. Pour moi, clairement, un des trois meilleurs films de l'ère Disney. Hein. Moi, je trouve qu'il est vachement accessible aussi. On n'en a pas trop parlé, mais moi, je trouve que c'est un des Star Wars les plus accessibles, même pour les enfants, justement, par le fait qu'il est beaucoup plus kids-friendly... Bah, il est même que la trilogie simple. Originale ou basiquement l'épisode 1. Simple, donc à l'épisode 1 pour un gamin c'est costaud, hein, faut se partir les trucs de sénateurs, les machins, les ouais, c'est pas faux. Il arrive t'es tranquille en train de regarder une course de podracer, d'un seul coup il y a un mec qui vient et qui te met la chaîne du Sénat, enfin c'est compliqué. Tiens, regarde LCP. Public Sénat. Solo, il arrive à aborder des sujets sérieux, à être émouvant et en même temps à être très drôle. Et moi j'aime bien l'ouverture et les bases qu'il donne au personnage. Yep. Ben oui, ben moi je suis un peu triste quelque part qu'il ait eu ce traitement là parce que c'était l'élu, c'était celui qui devait réunir les nouvelles trilogies et les anciens fans. Mais ouais. Cette fois-ci c'est pas l'élu qui a déconné, c'est les anciens fans qui sont trop cons. C'est un film qui méritait clairement mieux, ouais. Oui, c'est-à-dire que il y en a qui disent que c'est le pire Star Wars. Non. Je suis désolé. Mais regardez la prélogie, je sais pas, faites un effort. Non mais même sans parler de la prélogie. Même sans parler de la prélogie, il y a eu deux films sur les Ewoks. Est-ce que vous les avez vus? J'ai vu le numéro de Benzaï dessus. Et je crois que j'avais vu le premier il y a très longtemps. Mais est-ce qu'ils avaient des crawls? Est-ce qu'ils avaient un bandeau déroulant au début? c'est important. Vrai. Parce qu'apparemment, s'il n'y a pas de bandeau déroulant, c'est que tu peux pas faire un bon Star Wars. Je pense qu'on est bon là. Soyez charmants. Et que la force soit avec vous. À bientôt. Salut tout le monde. Salut. Ciao, à plus. Did you shoot Greedo first? Or did Greedo shoot you first? I don't care.